Book 2 65 65 النفي 2 Négation 2 Négation 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ Est-ce que la bague est chère? Est-ce que la bague est chère? لا, يكلف 100 يورو فقط. Non, elle ne coûte que 100 euros. Non, elle ne coûte que 100 euros. لكن معي 50 فقط. Mais j'en ai seulement 50. Mais j'en ai seulement 50. هل صرت جاهز؟ As-tu déjà terminé? As-tu déjà terminé? لا, ليس بعد. Non, pas encore. Non, pas encore. لكن سأجهز حالا. Mais j'aurai bientôt fini. Mais j'aurai bientôt fini. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Veux-tu encore de la soupe? Veux-tu encore de la soupe? لا, لا أريد أكثر. Non, je n'en veux plus. Non, je n'en veux plus. لكن ice cream آخر. Mais encore une glace. Mais encore une glace. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Habites-tu depuis longtemps ici? Habites-tu depuis longtemps ici? لا, صار لي شهر واحد. Non, juste un mois. Non, juste un mois. وقد صرت أعرف الكثيرين. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Vas-tu à la maison demain? Vas-tu à la maison demain? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Non, seulement en week-end. Non, seulement en week-end. ولكني سأرجع يوم الأحد. Mais je rentre déjà dimanche. Mais je rentre déjà dimanche. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Est-ce que ta fille est déjà une adulte? Est-ce que ta fille est déjà une adulte? لا, هي الآن بلغت السابعة عشر. Non, elle a seulement 17 ans. Non, elle a seulement 17 ans. ولكن قد صار لها صديق. Mais elle a déjà un petit ami. Mais elle a déjà un petit ami. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.